بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quand le ciel sera déserté. وأذنت لربها وحقت. Et qu'il aura obéi à son Seigneur et accompli son devoir. وإذا الأرض مدت. Quand la terre sera aplanie. وألقت ما فيها وتخلت. Elle aura expulsé son contenu et s'en sera débarrassée. وأذنت لربها وحقت. Mais qu'il aura obéi à son Seigneur et accompli son devoir. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Alors, ô toi être humain, qui sans cesse t'évertues pour aller vers ton Seigneur, sache que tu le rencontreras. فأما من أوتي كتابه بيمينه. Celui qui aura reçu son livre en sa main droite. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Sera jugé d'un jugement clément. وينقلب إلى أهله مسرورا. Et s'en reviendra heureux auprès de sa famille. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos. فسوف يدعو ثبورا. Il criera au malheur. ويصلى سعيرا. Et brûlera dans le brasier. إنه كان في أهله مسرورا. Il était heureux auprès de sa famille. إنه ظن أن لن يحور. S'imaginant que jamais il ne reviendrait à la vie pour être jugé. بلى إن ربه كان به بصيرا. Eh bien si, son Seigneur, tout voyant, l'observait en permanence. فلا أقسم بالشفق. J'en jure par le crépuscule. والليل وما وسق. Par la nuit et ce qu'elle englobe. والقمر إذا اتسق. Par la lune quand elle est pleine. لتركبن طبقا عن طبق. Vous passerez sans cesse, étape par étape. فما لهم لا يؤمنون. Pourquoi donc ne croient-ils pas? وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Et quand le Coran leur est lu, ne se prosternent-ils pas? بل الذين كفروا يكذبون. C'est que les mécréants le tiennent pour mensonge. والله أعلم بما يوعون. Mais Allah, c'est le mieux les sentiments secrets qu'ils nourrissent. فبشرهم بعذاب أليم. Annonce-leur donc un supplice très douloureux. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. À l'exception de ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, et qui auront alors une récompense illimitée.